d'arrêter de penser aux larmes qui se sont versées. J'ai trié d'oublier le fruit de ces fabuleuses années qui m'ont rendu otage dans ce maudit paysage. Esclave de sang-froid ou comme un arbre sans feuillage. Nos racines si belles, pour certains plutôt cruelles. Avoir vécu de bons moments comme dans un jardin d'Éden. La vie fait de mélange de bonheur et de souffrance. Je me demande encore si enfant la neige était si blanche. Si nos copains d'école sont toujours de ce monde. Si nos taches d'encre absorbées pendant nos heures de colle. Les amis qu'on oublie, aux professeurs qu'on a maudits. À nos premiers amours, je t'aime un peu beaucoup. À la folie, aux premières convictions devant nos portes comme un con. Sans aucune illusion, on se prenait pour un petit patron. On a tous choisi ce chemin, cette ligne de la vie. Quelques-uns la suivront, mais pour d'autres, c'est déjà fini. Ah, le fruit de mes années. Ce temps bien effacé, mes rimes bien classées. On récolte le fruit de cette année si bien semée. Je pioche, je passe, tout comme quand j'étais mioche. Sans avenir tracé, ma vie bascule de droite à gauche. Ce temps bien effacé, mes rimes bien classées. On récolte le fruit de cette année si bien semée. Je pioche, je passe, tout comme quand j'étais mioche. Sans avenir tracé, ma vie bascule de droite à gauche. Premier rebouffé sur une tige, la clope au bec comme sur l'affiche. Un peu de shit, ça c'était bien sûr pour les plus riches. Alcool pour délirer, je me demande encore si c'était vraiment pour s'amuser, pour déconner l'air déjanté. Qui se mal le vent récoltera peut-être la tempête. Et sans perdre de temps, je dis que c'est bien des paroles en l'air. Cela nous rassure, aucune démesure. On écrase un langage, on pense au fur et à mesure. On dit que la vie est elle au fleuve tranquille. Derrière cette phrase, quelque chose de débile. On a des souvenirs, réminiscences alimentées par une essence. Depuis notre naissance, de ces jours si intenses, on gommera jamais, mais pour certains, cela est déjà fait. Vaut mieux vite oublier que marcher la tête dans le passé. Et quelques années se sont si vite écoulées qu'on a parfois du mal à regarder devant son petit nez sans être nostalgique, mais peut-être poétique. Mon stylo si fébrile à la mémoire trop fragile. Tant bien effacé, mes rimes bien classées. On récolte le fruit de cette année si bien semée. Je pioche, je passe, tout comme quand j'étais mioche. Sans avenir tracé, ma vie bascule de droite à gauche. Ce temps bien effacé, mes rimes bien classées. On récolte le fruit de cette année si bien semée. Je pioche, je passe, tout comme quand j'étais mioche. Sans avenir tracé, ma vie bascule de droite à gauche. Sentiment au fil des années qui passent. Et je me sens toujours autant dans un putain de ces nuages. J'ai pourtant quand tout le monde traversé tant de déserts. Sans au lit de frontières, la gorge sèche, les idées claires. Après avoir passé des songes et des nuits arrêtées, je me demande encore si notre avenir est tout tracé. Et malgré les périples des enfants les plus terribles, un passé trop rigide, un avenir trop irascible. On a tous supporté des paroles et bien de mauvaises de pensées sur des gens qu'on aimait, des personnes qu'on estimait. Et raflé par ses ronces, usé, lacéré par ce monde. On oublie trop souvent le fruit de nos semences. De nos semences. De nos semences, de nos semences, de nos semences. Ce temps bien effacé, mes rimes bien classées. On récolte le fruit de cette année si bien semée. Je pioche, je passe, tout comme quand j'étais mioche. Sans avenir tracé, ma vie bascule de droite à gauche. Ce temps bien effacé, mes rimes bien classées. On récolte le fruit de cette année si bien semée. Je pioche, je passe, tout comme quand j'étais mioche. Sans avenir tracé, ma vie bascule de droite à gauche. Ce temps bien effacé, mes rimes bien classées. On récolte le fruit de cette année si bien semée. Je pioche, je passe, tout comme quand j'étais mioche. Sans avenir tracé, ma vie bascule de droite à gauche. Ce temps bien effacé, mes rimes bien classées. On récolte le fruit de cette année si bien semée. Je pioche, je passe, tout comme quand j'étais mioche. Sans avenir tracé, ma vie bascule de droite à gauche.